soit un fil que tu peux péter. N'importe quoi, que tu peux tout t'en foutre. Le cœur de ce que tu aimes.